En Corée est ouvert le championnat national. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 2 courant au gymnase de basketball à la cité Chongchun, Pyongyang, en présence du président du comité directeur national de sport, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, des officiels intéressés, des sportifs et des travailleurs de Pyongyang. L'orateur y a indiqué que le présent championnat sera une occasion pour manifester parfaitement la foi et la volonté immuable des sportifs et d'autres habitants décidés à mettre sur pied une puissance socialiste hautement civilisée en face du monde, malgré les menées sans précédent d'isolement et de suppression des États-Unis et de leurs suivistes contre notre République. Au terme de la cérémonie d'ouverture, il y a eu le défilé des joueurs, suivi du match de basketball masculin entre le club sportif 25 avril et le club sportif Amnokan de première classe. Dans le cadre du championnat, il y aura à Pyongyang, Pyeongsong, Saribon et ailleurs les épreuves de 37 disciplines telles que football, basketball, volleyball, judo et boxe et de plus de 470 disciplines détaillées.